بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث الخامس بعد المئة. صفكم الحديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار آتان، وأنا يومئذ قد نهدت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمرت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الآتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. طيب، donc Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما dit qu'il s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en enfourchant une ânesse et qu'il avait à ce moment-là, il était proche de la puberté. Il n'était pas encore. La puberté, elle est souvent estimée vers les 15 ans ou peut-être avant, ça dépend des individus. Donc de là, ils ont dit, peut-être qu'il va avoir les 12-13 ans par là. Allahu ta'ala alam. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faisait la salat pour les gens. Il présidait la salat. Sans faire face à un mur. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de mur qui faisait soutra pour lui. Donc je suis passé entre les rangs. C'est-à-dire avec son ânesse, il est passé entre les rangs. Et je suis descendu et j'ai lâché l'ânesse pour qu'elle aille paître. Et je suis retourné dans le rang, c'est-à-dire faire la salat, et personne ne me blâma pour cela, sans recevoir aucun blâme de personne. Et à coup de fois de la tâchir de l'enseignement, rahmallahu ta'ala. Araoui, c'est Abdullah ibn Abbas. Le rapporteur, d'accord, c'est lui. Abdullah ibn Abbas. يقول موضوع الحديث بيان حكم المرور بين يدي الصفوف في صلاة. Donc maintenant ce hadith vient pour parler du jugement de passer entre les rangs lors de la salat. C'est-à-dire, non pas devant l'imam, mais entre les rangs. C'est-à-dire, les gens sont en train de faire salat en rang, toi tu passes entre les rangs. C'est-à-dire devant les gens qui font la salat. Donc ce hadith en lui-même montre que cela, hein, le jugement il est clair. Donc il dit dans le Sharh al-Ijmali رحمه الله تعالى يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رحله راكبا على حمار أنثى وذلك في حجة الوداع. Donc عبد الله بن عباس informe qu'il s'est rendu auprès du Nabi صلى الله عليه وسلم depuis sa maison en enfourchant une ânesse, et cela se déroulait là, Rahlili, c'est plutôt sa monture, non? Parce que, comme on dit, c'était à Hajjat al-Wada, donc c'était à Mecca. Et Anas, il habite à Medina, à la base. Tayyib. Donc cela s'est passé lors du pèlerinage d'adieu. Wa Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, yusalli bin nas, fi mina, wa laysa bayna yaday jidar. Et que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, présidait la salat, c'est-à-dire en groupe, à Mina, et qu'il n'avait devant lui aucun mur. فمر ابن عباس على الحمار بين يدي بعض الصف الأول. Donc ابن عباس est passé devant certains qui faisaient la salat, qui étaient se trouvaient dans le premier rang. Il est passé devant eux. ثم نزل ودخل في الصف وأطلق الآتان. Ensuite, il est descendu justement de sa monture et il a laissé son ânesse partir paître et lui, il est rentré dans le rang pour faire la salat avec eux. ولم ينكر ذلك علي أحد لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره. Et que personne ne le reproche à cela, ni le message d'Allah صلى الله عليه وسلم, ni personne d'autre. Et dans son cours, lorsqu'il dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait la salat sans se trouver face à un mur, cela ne dit pas qu'il n'avait pas autre chose comme sutra. Car souvent, on savait que Anas, radiallahu par exemple, transportait avec lui une petite lance pour faire sutra. Car le Nabi صلى الله عليه وسلم prenait tout ce qu'il pouvait pour faire sutra. Ça pouvait être un mur, ça pouvait être un arbre, ça pouvait être toute chose, d'accord, qui puisse être en mesure de faire sutra. Mais fréquemment, ce qui était rapporté, c'est que lors de ses voyages, il avait avec lui une petite lance qu'il portait dans le sol qui faisait sutra. Donc le fait qu'il n'ait pas eu de mur devant lui n'indique pas qu'il n'ait pas de sutra. Et d'ailleurs, des ulama voient que la sutra n'est pas obligatoire, se basant sur le hadith-là, en disant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait rien devant lui. Le hadith ne dit pas qu'il n'avait rien devant lui. Le hadith dit qu'il n'avait pas de mur devant lui. et non pas rien du tout. Après, c'est une divergence qui existe entre les ulama. Ceux qui voient que c'est mustahab, recommandé d'avoir le sutra, et ceux qui voient que c'est obligatoire. Et quoi qu'il en soit, la personne prend la vie le plus prudent et fait la salat devant le sutra. Cela est meilleur, au pire des cas, même s'il ne voit pas la vie de l'obligation. Donc il dit dans Fawaid al-Hadith, enseignement utile du Hadith, Jawaz al-Rukub fil Zahab al-Masjid, qu'il est permis de se rendre en monture, d'ailleurs, c'est-à-dire prendre un moyen de locomotion pour aller au Masjid. Thaniyan, Jawaz al-Murur bin Yaday Saf al-Musalliyin, lina sutrata imamuhum, sutratun nahum. Lina sutrat imamim, afwan sutratun nahum. Donc il est permis de passer entre les gens, devant les gens qui sont en rang, lors de la salat en groupe, car leur sutra à eux est celle de l'imam. Tu as plusieurs rangs, l'imam fait la salat. Toi, ce qui t'est interdit, c'est de passer entre l'imam et sa sutra. À ma passer entre les rangs, entre les gens qui font la salat entre les rangs, tu as le droit de le faire. Et personne n'a t'empêché de passer. D'accord ? Personne ne t'empêchait de passer. Et d'ailleurs même, il dit qu'il était sur une ânesse. Et on avait dit que l'âne est parmi les animaux qui, lorsqu'il passe devant ceux qui font la salat, ça coupe sa salat. D'ailleurs, il est passé devant eux, en enfourchant sa monture. Et personne n'a réagi. Donc si demain, quelqu'un passe devant toi, tu es en rang dans la salat, tu n'es pas l'imam, d'accord ? Il n'y a pas lieu de l'arrêter. Il peut passer. Thalithan, jawaz irsal al-bahima litaraha hawla al-musalliyin, lakin bishart alla yukhsha minha aziyat lahum wa ikhlal fi salatihim. Qu'il est permis justement de lâcher l'animal afin qu'il aille paître proche de ceux qui font la salat, à condition de ne pas craindre que celle-ci ne puisse leur porter pour de préjudice. Ou porter atteinte à leur salat. Par exemple, l'ânesse, si elle passe devant entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, entre l'imam et la sutra, l'âne, il coupe la salat, par exemple. Rabi'an, anna ikrar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam li shay dalil ala jawazihi. Que le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne réprime pas une chose, ne réprimande pas une chose, cela prouve son approbation. Et cela fait partie de la sunna. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a approuvé comme acte des gens sans avoir blâmé, comme adoration, cela rentre dans la sunna. Donc le fait qu'il n'ait rien dit à Anas, à Ibn Abbas, à Fouane, Aïwa, enfin, je me suis trompé quand j'ai parlé de... au début, j'ai dit Anas. Non, c'est Ibn Abbas. Quand j'ai dit qu'il venait de sa maison, j'ai cité que Anas habitait le Médina. Et je me suis trompé. J'ai fait un wahm. En fait, c'est Ibn Abbas. C'est Ibn Abbas, non. Donc en réalité, c'est bien, comme j'avais dit au début, c'est le lieu, son lieu de résidence. Que Ibn Abbas, car Ibn Abbas, à la base, il vient de Mecca. Donc Ibn Abbas s'est rendu de son lieu de résidence sur un âne vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Azalazi, Yazhar. De toute façon, ça ne change pas grand-chose au jugement du hadith en soi. C'est un détail qui n'est pas en lui-même la mas'ala du hadith. ثم قال أن من قارب البلوغ أهل الإنكار إذا فعل ما يستحق الإنكار عليه وإن كان غير مكلف. Que celui qui est proche justement de la puberté, si jamais il doit être blâmé pour une chose qu'il a à faire, il serait comme une transgression ou autre, alors il serait permis de le faire. C'est pour ça qu'Ibn Abbas il a voulu dire par là, à son âge, que si ce qu'il avait fait était habité à mal, les gens lui auraient reproché. Mais personne ne lui a rien dit. Ce qui montre que cela était permis. هذا الذي أخذنا من الحديث ونكتب بهذا القدر والحمد لله رب العالمين